Ouais, donc c'est l'émission Électron Libre, hein, toujours. On va démarrer donc la session live avec Katerva, des Strasbourgeois qui sont venus nous voir ce soir, qui sont venus dans les valises de Defray, on peut dire ça comme ça. Sauf que Defray n'est pas encore là, lui, donc il a juste posé ses valises et puis il va revenir tout à l'heure, avec encore quelqu'un d'autre. Et puis on attend encore d'autres invités, Kams et Widget notamment, qui sont déjà venus dans l'émission. Voilà, donc bah, ils vont se présenter rapidement et puis on démarrera le live. Hein. Voilà, allez. Donc bonjour aux gens de Katerva. Salut. Donc voilà, nous c'est Katerva. En fait, on est de Strasbourg. On fait du live dubstep, breakbeat. Et en fait, on a des connexions avec les gens, avec les trolls, avec la scène underground de Toulouse. Donc comme ils habitent pas loin de Cahors, ils nous ont invités à venir jouer sur la radio. Donc voilà, là on va jouer avec nos prods et Diploficus et notre violoniste Anita Bomba. Donc voilà, c'est du live, c'est dubstep, c'est downbeat. Ouais, donc ouais, toujours du live sur Electron Libre, ça change pas, c'est le principe de l'émission. Hein. Bon, le principe c'était aussi que on essaie de faire découvrir pas mal d'artistes locaux, donc là pour le coup c'est manqué, mais c'est pas grave. Hein. Enfin, la priorité c'est que les gens viennent faire leur musique et donc que tout ça soit diffusé quoi dans le coin. Sinon, bah, je sais pas, un petit mot sur depuis quand vous jouez sous cette forme-là aussi, parce que c'est quand même particulier, ouais. Comme tu le disais, vous êtes deux à faire du live et il y a une troisième personne qui fait du violon. Donc voilà, depuis quand et comment ça s'est fait tout ça? Bah, en fait, on existe depuis 2003. Moi, à la base, je viens de la région, je suis de Sarlat en fait, donc je suis monté sur Strasbourg, j'ai rencontré Joseph qui faisait déjà de la musique. On a commencé à monter un live ensemble et on s'est dit que ça serait bien d'avoir un instrument par-dessus ou deux, donc on a pris Anita qui jouait du violon. Et donc ça fait à peu près 4 ans qu'on tourne dans les technivals et dans les soirées légales pour essayer de proposer un autre son, un son break un peu quoi. Donc voilà. Ouais, excellent. Excellent, ben ouais, effectivement, oui, c'est un autre son, et certainement avec le violon, c'est clair que ça change pas mal du son qu'on peut écouter habituellement. Et puis, ben, on va vous faire découvrir tout ça d'ici quelques minutes, tout juste, donc avec Katerva sur Antenne Doc, Electron Libre. Voilà, ben écoutez, je crois qu'on va démarrer tranquillement. Et puis voilà, à tout à l'heure. Ouais, donc ça se prépare ce live. Ça va démarrer d'ici quelques minutes à peine. Rappelons que tous les invités ne sont pas encore arrivés. Pour le moment, Katerva, ils sont là. Nurgle est là aussi. Et ensuite, on aura Defray avec Armageddon qui est là aussi ce soir. On avait fait une bande-annonce spéciale sur Nintendo qui a tourné dans l'après-midi. Pour dire un peu ça, parce que c'est quand même une émission particulière, donc voilà. En attendant, quoi, le mail de l'émission, electron.libre@orange.fr, electron au pluriel, point libre, au pluriel aussi évidemment, @orange.fr. Ça c'est pour nous contacter, laisser vos contacts pour venir faire du son et laisser vos impressions sur l'émission évidemment. Voilà.